Raffles, cambrioleur amateur, par Ernest William Hornung. Épisode, une pièce costumée. On parlait alors beaucoup de Ruben Rosenthal qui, après avoir récolté des millions dans les champs de diamants de l'Afrique du Sud, était revenu à Londres pour jouir à sa guise. Les journaux étaient pleins d'anecdotes sur ses faits et gestes, sur ses façons de répandre l'or, et c'était pour eux un thème à comparaison suggestive que le souvenir de son indigence d'autrefois et les récits extraordinaires de ses prodigalités actuelles. Dans son hôtel de St. John's Wood, Rosenthal était servi par une nuée de cafres qui étaient en réalité ses esclaves. D'énormes diamants constellaient ses doigts et ses plastrons de chemise. Il ne sortait jamais qu'accompagné d'un lutteur d'une réputation détestable. Voilà ce que racontent les mauvaises langues auxquelles, d'ailleurs, la piquante intervention de la police et certaines enquêtes judiciaires signalées par les manchets des journaux semblaient donner raison. Les renseignements concernant Rosenthal n'allaient pas plus loin lorsque le cercle des vieux bohèmes, qui faisait de mauvaises affaires, jugea bon d'organiser un banquet en l'honneur de ce richissime adepte de ses principes. Je n'allais pas au banquet, mais Raffles y fut amené par un ami et le soir même, il vint me donner des détails. « Jamais, me dit-il, je n'ai rien vu de plus bizarre. Quant à l'homme lui-même, j'étais bien préparé à quelque chose de grotesque, mais réellement, il m'a stupéfié. C'est un merveilleux spécimen de brute. 6 pieds de haut, une poitrine grosse comme un muide, un énorme nez busqué, des cheveux et des favoris d'un rouge invraisemblable. Il a bu comme une pompe à incendie et n'est parvenu à se griser que tout juste assez pour nous faire un speech que je n'aurais pas voulu manquer pour 10 livres sterling. Je n'ai qu'un regret, mon vieux Bunny, c'est que vous n'ayez pas été là. Je commençais moi-même à avoir des regrets, car Raffles était loin d'être un emballé, et jamais auparavant je ne l'avais vu exprimer aussi vivement ses impressions. Avait-il suivi l'exemple de Rosenthal? Son arrivée chez moi à minuit dans le simple but de me raconter son dîner suffisait à faire naître en mon esprit un soupçon que justifiait ma connaissance de Raffles. De quoi donc a-t-il parlé? Dis-je machinalement, car je soupçonnais à cette visite un autre motif et je voulais en avoir le cœur net. Demandez plutôt, s'écria Raffles, de quoi il n'a pas parlé. Il se vantait de ses succès, de ses richesses, insultant la société qu'il avait acceptée à cause de sa fortune et qui maintenant lui tournait le dos parce qu'elle était jalouse de le voir riche. Il citait des noms avec le plus charmant abandon et jurait qu'il était aussi honorable que n'importe qui dans la vieille Angleterre. Comme preuve, il désigna de son petit doigt où étincelait un énorme diamant, celui exactement pareil qui brillait sur le plastron de sa chemise. Lequel donc, je vous prie, parmi nos princes bouffis d'orgueil, pourrait montrer semblable bijou? Clamait-il. Et de fait, ces pierres étaient extraordinaires. Elles avaient de bizarres scintillements de pourpre qui devaient leur donner une valeur considérable. Le vieux Rosenthal déclara qu'il ne céderait pas les 2 diamants pour 50 000 livres sterling. Et il demanda en quel lieu au monde on rencontrait un mortel se promenant avec 25 000 livres sterling sur son plastron et autant à son petit doigt. Cet homme n'existait pas, et s'il existait, il n'aurait pas le courage de les porter. Eh bien lui, il l'avait, ce courage, et il allait en faire connaître les motifs. En même temps, et avant qu'on ait pu placer un mot, il avait sorti de sa poche un revolver de gros calibre. À table? Oui, au milieu de son speech. Mais voilà le plus étrange. Il ajouta qu'il demandait la permission, afin de nous montrer pourquoi il n'avait pas peur de sortir ainsi diamanté, d'écrire son nom avec des balles tirées sur le mur qui lui faisait face. Purvis, le lutteur, cette brute qui est son dompteur à gages, eut toutes les peines du monde à l'en empêcher. Cela donna lieu à une panique, pendant laquelle l'un des membres du cercle se cacha sous la table en récitant ses dernières prières. Les valets de pied du cercle s'apprêtaient à se jeter sur le milliardaire. Quelle scène grotesque! Évidemment, mais j'aurais désiré qu'on le laisse à faire. Il grillait de nous faire voir comment il pouvait payer sur ses diamants, et quant à moi, Bunny, je vous l'assure, je grillais de le voir. Raffles eut un sourire lent et sournois qui ne me fit que trop comprendre le but caché de sa visite. « Vous voudriez essayer de vous offrir les diamants de Rosenthal ?» Il haussa les épaules. « La belle malice. Pour être tout à fait franc, je ne vous cacherai pas que j'y pense depuis quelque temps déjà. Comment aurais-je pu entendre à chaque instant parler de cet homme et de ses diamants sans conclure qu'on avait le droit de les lui prendre ? Le devoir devenait impérieux parce qu'il se permettait de brandir un revolver et de porter un défi au monde entier. Puisque le hasard a voulu que j'entendisse ce défi, Bunny, c'est que je suis destiné à le relever. Je n'ai éprouvé qu'un regret, celui de n'avoir pu m'adresser devant lui et lui crier cela séance tenante. Je n'en vois pas du tout l'opportunité, répondis-je, mais bien entendu, le cas échéant, je suis votre homme. J'avais prononcé cette phrase presque à contre-cœur, tout en faisant de mon mieux pour ne pas le laisser voir. Il y avait à peine un mois que nous avions accompli notre exploit de Bond Street, et certainement nous étions en situation de ne pas recommencer avant quelque temps. Nous nous entendions si bien tous les deux. Suivant ses conseils, j'avais même écrit quelques articles sur le vol des bijoux, et pour le moment j'étais tout à fait rassasié sur ce genre d'aventure. Nous sentions que rien ne nous manquait, et je ne voyais pas l'utilité de courir de nouveaux dangers tant que nous n'y serions pas contraints. De notre côté, je ne voulais pas manquer à l'engagement que j'avais pris un mois auparavant, mais Raffles ne parut même pas s'arrêter au sentiment que je manifestais. « La nécessité, mon cher Bunny. Est-ce que l'écrivain attend que le loup soit à sa porte pour écrire? Est-ce que le peintre travaille seulement pour gagner son pain? Faut-il que vous et moi soyons poussés au crime pour qu'un Tom de Beau ou un Dick de Whitechapel ?»« Vous me froissez, mon pauvre ami, et vous avez tort de rire. L'art pour l'art est un précepte qui me séduit, je l'avoue. Dans l'affaire présente, mes mobiles sont absolument purs, car il est fort probable que nous ne pourrons jamais utiliser ces joyaux étranges. Cependant, si après ce qui s'est passé cette nuit, je n'essayais pas de les avoir, je ne pourrais plus lever la tête. » Ses yeux brillaient de plaisir et de désir tout à la fois. « Nous aurons de la peine, » fut ma seule réponse. « Croyez-vous donc que sans cela j'en aurais envie ?» s'écria Raffles. « Mon cher ami, si je le pouvais, je volerais la cathédrale de Saint-Paul, mais je ne profiterais pas plus d'un défaut de surveillance d'un inspecteur pour voler dans un tiroir de magasin que je ne chipperais des pommes dans le panier d'une vieille femme. Je considère même notre affaire du mois dernier comme très mesquine. Mais elle était imposée par la nécessité, et la façon dont elle a été conduite rachète, en quelque sorte à mes yeux, sa médiocrité. Dans celle-ci, il y aura plus de gloire et plus de sport, car on s'attaquera à des gens qui prétendent être sur leur garde. La Banque d'Angleterre, par exemple, voilà un objectif idéal. Mais pour voler la Banque d'Angleterre, il faudrait que nous fussions une demi-douzaine, et ce travail exigerait des années. Pour vous et moi, j'estime que Ruben Rosenthal est un assez gros morceau. Nous savons comment il est armé, nous connaissons comment Villepervis sait lutter. La chose, je vous le garantis, sera difficile. Mais qu'importe, mon brave Bunny, on doit toujours regarder au-dessus de soi, sinon, je vous le demande, à quoi servira le ciel ? Je préférais ne pas viser si haut pour le moment, répondis-je en riant, car malgré les craintes que je ressentais, je commençais à me faire à cette idée, et d'ailleurs, la gaieté de Raffles était irrésistible. « Ayez donc confiance en moi, » s'écria celui-ci, « je ferai en sorte de vous tirer d'affaire. Après tout, j'espère que les difficultés ne seront que superficielles. Nos deux hommes boivent comme des trous, et cette circonstance peut singulièrement simplifier la besogne. Enfin, nous verrons, et nous prendrons notre temps. On trouvera bien, j'en suis sûr, une douzaine de moyens pour réussir. Il faudra choisir dans le tas. En toute hypothèse, il sera indispensable de surveiller la maison pendant une semaine et peut-être aussi de faire bien d'autres choses qui nous prendront plus de temps. J'y réfléchirai, et si vous acceptez réellement de m'accompagner, je vous en reparlerai dans une huitaine. Je vous accompagnerai. Mais pourquoi me renvoyer à 8 jours? Nous ne pourrions pas surveiller ensemble la maison? 2 yeux en valent bien 4, et prennent moins de place, soit dit sans vous froisser, Bunny. N'oubliez pas qu'à moins d'y être obligé, il ne faut jamais se mettre à deux pour une surveillance. Du reste, quand le moment sera venu, il y aura, je vous le promets, de quoi vous occuper. Vous aurez votre part d'amusement, et si la chance nous favorise, un diamant pourpre comme bénéfice. » Néanmoins, et en dépit de l'enthousiasme de Raffles, cette conversation me laissa plutôt froid, et je me rappelle encore le désespoir que j'éprouvais après le départ de mon camarade. Pas une minute, cependant, la pensée ne me vint de me retirer. Au contraire, le retard exigé par Raffles m'impatientait, peut-être aurait-il fallu chercher la vraie cause de mon secret désaccord avec lui dans sa résolution d'agir sans moi jusqu'au dernier moment. Je ne fus pas consolé par l'idée que c'était là son trait dominant et la caractéristique de son attitude envers moi. Pendant un mois, nous avions été, je le croyais du moins, les plus habiles voleurs de tout Londres et cependant, chose curieuse, notre intimité était restée incomplète. Il y avait parfois en Raffles une certaine réserve capricieuse, assez visible pour être irritante. Il avait la discrétion instinctive du criminel le plus invétéré et faisait des mystères des choses les plus simples. Je ne sus jamais, par exemple, ni où ni comment il avait changé les bijoux de Bond Street, dont le prix nous permettait de mener un train de vie analogue à celui de tous les jeunes gens élégants. Il restait aussi fermé quant à bien d'autres détails. Quand je le rencontrais au cercle, il ne voulait rien me dire et quand je me présentais chez lui, il était toujours sorti. Un jour, cependant, il me déclara que tout allait bien, mais doucement, que l'affaire était plus délicate qu'il n'avait cru. Je le pressais de questions, il ne voulut rien ajouter. Alors, très vexé, je pris moi-même une détermination. Puisqu'il ne voulait pas me faire connaître le résultat de sa surveillance, je résolus de guetter pour mon propre compte et le soir même, je pris le chemin de la demeure du millionnaire. La maison qu'il occupait était, je crois, la plus importante de tout le district de St. John's Wood. Elle se trouvait à l'angle formé par 2 larges rues que ne parcourait aucun omnibus. Ce soir-là, les lumières étaient baissées. Évidemment, le millionnaire et ses amis étaient sortis. Les murs du jardin n'avaient que quelques pieds de haut. L'un d'eux était percé d'une porte ouvrant sur un couloir vitré. L'autre, de deux barrières en bois verni, donnant chacun sur le côté d'une avenue semi-circulaire. Toutes deux étaient grandes ouvertes. Cet endroit était si désert que j'eus presque envie d'entrer franchement, pour recueillir quelques renseignements sur les lieux. J'allais le faire quand j'entendis derrière moi, sur le pavé, un pas rapide et traînant. Je me retournai et me trouvai face à face avec un visage menaçant et deux poings sales que tendait vers moi un vagabond en loques. « Vous êtes fou, » dit l'homme, « vous êtes idiot. »« Raffles ? C'est cela ?» murmura-t-il d'un ton sauvage. « Dites-le donc à tous les voisins, criez-le donc à tue-tête. » Il me tourna le dos et continua à descendre la rue en traînant ses sabates, en haussant les épaules et en murmurant en lui-même, comme si je lui avais refusé l'aumône. Je restai quelques instants abasourdi, indigné, affolé, puis je le suivis. Ses pieds frottaient le pavé, ses genoux se cognaient, son dos s'était voûté, sa tête ballottait, il avait la démarche d'un vieillard. Bientôt il s'arrêta pour m'attendre à moitié chemin entre deux becs de gaz. En arrivant, je le vis qui allumait une pipe en terre bourrée d'un horrible tabac, et cela me fit apercevoir un demi-sourire sur ses lèvres. « Pardonnez-moi mon mouvement d'impatience, Bunny, mais réellement, ce que vous faisiez était absurde. Comment ? J'essaie de tous les moyens, demandant une nuit l'aumône à la porte, me cachant dans les arbustes la nuit suivante, faisant l'impossible pour ne pas être soupçonné, et vous, vous restez debout à reluquer la maison. Nous jouons une pièce à costume et vous y paraissez avec vos vêtements habituels. N'oubliez donc pas, je vous prie, que ces gens sont nuit et jour sur le qui-vive. En vérité, c'est le morceau le plus dur que j'ai jamais essayé d'avaler. Si vous m'en aviez parlé auparavant, répondis-je, jamais je ne serais venu, mais vous ne m'aviez rien dit. Il me jeta un coup d'œil sous le bord cassé de son vieux chapeau melon. Vous avez raison, dit-il enfin, j'ai été trop renfermé. Cela devient chez moi une seconde nature, quand j'ai quelque chose en tête, mais du moins, en ce qui vous concerne, c'est pour la dernière fois, Bunny. Je rentre de ce pas à la maison, et vous allez me suivre, mais pour l'amour de Dieu, restez à distance, et ne soufflez mot avant que je vous ai parlé moi-même. Allons, laissez-moi prendre de l'avance. Il partit, misérable vagabond, les mains dans les poches, les coudes en bataille, tandis que les basques loqueteuses de son habit se balançaient. Je le suivis jusqu'à Finchley Road. Là, il monta dans un omnibus, et je m'assis à quelques rangs derrière lui sur l'impérial. Mais je me trouvais encore trop près de lui pour n'être pas empesté par l'odeur de son abominable tabac. Dire qu'il portait l'amour de l'art à ce point, lui qui ne fumait jamais que des cigarettes d'une marque de prix, c'était bien la pierre de touche de l'artiste. À mesure que nous approchions de Piccadilly, je me demandais ce que j'allais faire. Sûrement, il n'allait pas se présenter ainsi à l'Albany. Non, il prit un autre omnibus pour Sloane Street. Nous changeâmes de nouveau, et nous ne tardâmes pas à nous trouver dans la rue étroite et longue de King's Road. Je brûlais de connaître notre nouvelle destination. Je n'eus pas longtemps à attendre pour être fixé. Raffles descendit. Je le suivis. Il traversa la rue et disparut dans une allée obscure. Je me hâtai sur ses talons, et je vis disparaître les basques de son habit dans une autre allée encore plus sombre. Maintenant il se tenait droit et s'était remis à marcher comme un jeune homme. Aussi avait-il l'aspect moins misérable. Personne que moi ne pouvait l'apercevoir, car le lieu était absolument désert et sombre. Arrivé au bout de l'allée, il ouvrit une porte avec un passe-partout. À l'intérieur de la maison, l'obscurité était encore plus profonde. Instinctivement, je me reculai et je l'entendis rire tout bas. Nous ne pouvions plus nous distinguer. « Tout va bien, Bunny. Il n'y a rien de louche cette fois. Nous sommes dans des ateliers dont je suis un des locataires. » Quelques instants après, nous nous trouvions dans une vaste pièce au plafond vitré, contenant des chevalets, un vestiaire, une plateforme à modèle et tout ce qui est nécessaire à un artiste. Mais on pouvait se rendre compte qu'il n'y venait pas travailler. La première chose que j'aperçus quand Raffles alluma le gaz fut son chapeau de soie luisant comme un miroir et qui était accroché à un porte-manteau avec ses vêtements habituels. « Vous cherchez des œuvres d'art ?» continua Raffles, allumant une cigarette et commença à se dépouiller de ses haillons. « J'ai bien peur que vous n'en trouviez pas, mais voici la toile que je dois toujours commencer. Je dis à tout le monde que je cherche un modèle idéal. Je vais allumer le poêle deux fois par semaine, je viens ici jeter un coup d'œil, y laisser un journal et le parfum d'une Sullivan. Comme elles sont merveilleuses après cet horrible tabac. Je paye régulièrement mon loyer, et à tous les points de vue, je suis un excellent locataire. Ce petit pied-à-terre m'est très utile, et on ne peut se figurer combien il le serait en cas de difficulté. En attendant, j'échange mon haut de forme contre un vieux melon et réciproquement, sans que personne n'y prenne garde, et à cette heure de la nuit, il est même fort probable qu'il n'y a que nous dans la maison. « Vous ne m'aviez jamais dit que vous vous déguisiez, » lui dis-je, en le regardant nettoyer son visage et ses mains. « Je n'avais vraiment aucune raison de vous mener ici il y a un mois. » Et il n'y en avait pas davantage à le faire aujourd'hui. car telle circonstance eût pu se produire, où il eût mieux valu pour nous deux que vous ne fussiez pas au courant de tout cela. Mais ce qui est fait. Vous voyez qu'en cas de besoin, je sais où dormir. Naturellement, à King's Road, je ne m'appelle pas Raffles. On pourrait, n'est-il pas vrai, aller plus loin et être plus mal. En attendant cet endroit et votre cabinet de toilette, c'est mon buen retiro, dit Raffles. Les déguisements, en certains cas, c'est la bataille à moitié gagnée. Et on éprouve une certaine satisfaction à se dire que s'il arrive un accroc, on n'est pas, grâce à eux, pris sous son véritable nom. Du reste, ils sont indispensables quand on a affaire aux receleurs. Je fais tous mes marchés en me servant du langage et des vêtements en usage dans le quartier de Shoreditch. Si je ne le faisais pas, j'aurais trop à payer, car on me ferait chanter. Voyez ce placard. Il est rempli de toutes sortes de déguisements, et je dis à la femme de ménage qui nettoie l'appartement qu'ils serviront à mes modèles quand j'en aurai trouvé. À propos, j'espère que je dénicherai quelque chose qui vous ira, car vous aurez besoin d'un déguisement pour demain soir. Pour demain soir ? M'écriai-je. Qu'est-ce que vous allez donc faire ? Le coup. J'avais l'intention de vous écrire dès que je serai rentré chez moi, pour vous prier de venir me chercher demain l'après-midi. Je comptais vous faire connaître mon plan de campagne et vous mettre tout de suite en action. Il n'y a rien de tel que de pousser en avant les gens nerveux, car c'est lorsqu'ils piétinent sur place qu'ils ne font rien de bon. Voilà encore une des raisons qui ont inspiré la réserve que j'ai gardée vis-à-vis de vous, et que je vous prie de me pardonner. Rappelez-vous, Bunny, comme je l'ai moi-même observé, que vous avez si bien joué votre rôle la dernière fois, justement parce que vous n'aviez pas eu le temps de la réflexion. Tout ce que je vous demande, c'est d'être demain soir aussi calme et aussi correct que vous l'avez été cette fois-là, bien qu'il n'y ait certes pas de comparaison à établir entre les deux affaires. Je pensais bien que vous me diriez cela. Je dis ce que je pense. Entendez-moi bien. Je n'affirme pas que l'affaire sera d'une façon générale beaucoup plus difficile. Nous entrerons sans doute sans la moindre difficulté. Mais ce qui pourra nous causer des désagréments, ce sera la sortie. Voilà, s'écria Raffles, avec l'élan d'une vertueuse indignation, le danger d'une maison où tout va à la diable. Je vous assure, Bunny, j'ai passé toute la nuit de lundi dans les bosquets du jardin voisin à regarder par-dessus le mur, et le croiriez-vous, il y a tout le temps des allées et venues. Je ne parle pas des cafres, je crois que les pauvres diables ne se couchent jamais. Non, c'était Rosenthal lui-même, et cet horrible animal blême qu'a nom Purvis. Ils se sont mis à boire depuis minuit, heure de leur rentrée, jusqu'au lever du jour, moment où je suis parti. Quand je suis parti, ils avaient encore assez conscience d'eux-mêmes pour s'injurier réciproquement. Ils en sont presque venus au cou dans le jardin, à quelques pas de moi, et je leur ai entendu dire quelque chose qui pourra nous être utile et qui pourra faire dévier l'arme, si sûr, de Rosenthal. Savez-vous ce que c'est qu'un IDB, Illicit Diamond Buyer? Oui, un acheteur illicite de diamants. Précisément. Précisément. Eh bien, il paraît que Rosenthal en était un, et l'a dû, entre deux verres, l'avouer à Purvis. En tout cas, j'ai entendu celui-ci qui le menaçait à ce propos. Je commence à croire que leur amitié comporte beaucoup de haine. Mais parlons de demain soir. Mon plan est très simple. Nous entrerons pendant qu'ils seront sortis et nous ne bougeons pas jusqu'après leur retour et même quelque temps après. Si nous le pouvons, nous droguerons leur whisky. Cela simplifierait bien des choses, bien que ce soit peu élégant. Mais il ne faut pas oublier le revolver de Rosenthal. Nous ne tenons pas à ce qu'il signe son nom sur notre dos. Avec ces cafres qui rôdent partout, nous avons 10 chances contre une de ne pas trouver le whisky. Et si nous nous mettions à le chercher, nous aurions 100 chances contre une de rater l'affaire. Une discussion avec ces nègres gâterait tout, sinon pire. Puis, il y a les dames. Il y a des dames, un diable ? Des dames, avec des voix à réveiller un mort. Je crains, oui, je crains leurs cris. Ce serait fatal pour nous. Au contraire, si nous pouvons nous cacher sans être découverts, nous aurons déjà gagné la moitié de la bataille. Si Rosenthal peut être entièrement ivre, c'est un de ses diamants pour chacun de nous. Mais s'il ne se grise pas, nous pouvons à la place ramasser une balle. Espérons, Bunny, qu'il n'en sera point ainsi, et que les coups de feu ne viendront pas tous du même côté. Mais laissons ce soin aux dieux. Nous nous serrâmes la main à Piccadilly plus tôt que je ne l'eusse désiré. Raffles ne voulut pas m'inviter à passer la soirée chez lui ce soir-là, parce qu'il avait pour principe de passer une bonne nuit avant de jouer au cricket ou à tout autre jeu. Je me souviens de cette nuit d'insomnie au cours de laquelle je voyais les toits des maisons d'en face se profiler sur le ciel gris de l'aurore de Londres. Je me demandais si jamais j'enverrais une nouvelle, et je me reprochais sérieusement cette expédition où je m'étais jeté par entêtement. Entre 8 et 9 heures du soir, nous prîmes position dans le jardin contigu à celui de Ruben Rosenthal. La maison était allouée, sans doute à cause de la vie échevelée qu'on menait à côté et qui en éloignait tous les voisins honnêtes. Nous avions donc le champ libre. À peu près tranquille sur ce point, nous pûmes, grâce au mur, dont la hauteur ne dépassait pas la taille d'un homme, surveiller la maison. Il y avait dans l'un et l'autre jardin des bosquets capables aussi, dans une certaine mesure, de nous protéger. Nous restâmes là pendant une heure à guetter les deux fenêtres en saillie, qui étaient très éclairées, et sur les stores desquelles passaient continuellement, comme des ombres chinoises, de vagues silhouettes. À écouter le bruit des bouchons, le cliquetis des verres, le crescendo tumultueux de voix grossières. La veine semblait nous avoir abandonnés. Je supposais que le propriétaire des diamants donnait un dîner, mais telle n'était pas l'opinion de Raffles, et l'événement prouva que c'était lui qui avait raison. Un bruit de roue se fit entendre dans l'avenue, et une voiture à deux chevaux vint s'arrêter au bas du perron. Nous entendîmes un brouhaha dans la salle à manger, puis les voix s'éteignirent un instant, pour retentir de plus belle sur le perron. Il faut que je précise notre position. Le mur qui nous abritait se trouvait du côté de la maison et séparé seulement par un espace de quelques mètres des fenêtres de la salle à manger. À notre droite, le bâtiment formait un angle qui divisait une des pelouses suivant une diagonale. À notre gauche, un autre angle nous permettait tout juste d'apercevoir le perron au bas duquel stationnait la voiture. Nous vîmes Rosenthal sortir, nous distinguâmes même la lueur de ses diamants. Il était suivi par le lutteur et deux dames, dont une avait un chignon qui ressemblait à une éponge à douche, fermait la marche. Raffles se baissa et me dit d'en faire autant. Il était très énervé. « Ces dames les accompagnent, c'est très bien. Voilà qui vaut mieux encore. » « Le gardien !» avait crié le milliardaire. « Cela vaut mieux pour tous !» dit Raffles, se levant au moment même où se faisait entendre le piétinement des chevaux et le crissement sur le sable des roues de la voiture sortant des barrières. « Et maintenant, » murmurai-je, frémissant d'impatience, « les domestiques vont desservir. Du reste, voyez leurs ombres. Les fenêtres du salon donnent sur la pelouse. Bunny, voici le moment psychologique. Où est votre masque ?» Je le lui tendis d'une main qui tremblait malgré moi. Je serais mort pour Raffles, car tout en s'étant aperçu de ma crainte, il ne m'avait fait aucune observation. Sa main à lui, quand il attacha d'abord mon masque, puis ensuite le sien, était aussi ferme que fraîche. « Pardieu, mon vieux, » murmura-t-il gaiement, « vous avez l'air du plus affreux brigand que j'ai jamais vu. Rien que nos masques feront fuir les nègres si nous en rencontrons. Je suis heureux d'avoir pensé à vous dire de ne pas vous raser. Vous passerez pour un voyou de Whitechapel, s'il vous arrive malheur, mais n'oubliez pas de parler argot. Si vous n'êtes pas sûr de vos expressions, vous ferez le muet et me laisserez le soin du dialogue. Mais espérons que nous n'en aurons pas besoin. Maintenant, êtes-vous prêt ? Absolument. Avez-vous le baillon ? Oui. Le revolver ? Oui. Alors suivez-moi. Nous eûmes bientôt franchi le mur et traversé la pelouse derrière la maison. Il n'y avait pas de lune et les étoiles étaient cachées. Je marchais sur les talons de mon compagnon jusqu'à des fenêtres à la française qui donnaient sur une petite véranda. Il les poussa, ils s'ouvrirent. « Voilà encore de la veine, » dit-il, « toutes les veines. Il nous faut maintenant une lumière. » Et la lumière vint. Une vingtaine de globes électriques rougirent un instant, puis lancèrent sur nous leur lumière blanche qui nous aveugla. Quand nous recouvrâmes la vue, nous étions en face de quatre revolvers braqués sur nous. Ruben Rosenthal, pour sa part, en tenait un de chaque main. Le colosse était secoué de la tête aux pieds par le fou rire. « Bonsoir, les gars, » fit-il dans un hoquet. « Je suis content de vous voir enfin. Si vous bougez pied ou patte, vous, là-bas, à gauche, vous êtes mort, canaille !» hurla-t-il à Raffles. « Je vous connais et je vous attendais. Je vous ai surveillé toute la semaine. Vous vous croyez très fort, n'est-ce pas ? Un jour mendiant, le lendemain simulant l'homme bien mis, un autre jour vous vous faites passer pour un de mes vieux amis de Kimberley, qui vient toujours quand je suis absent. Mais chaque fois, vos pieds laissent la même empreinte et toutes les nuits, on les retrouvait dans tous les coins qui avoisinaient la maison. Imbécile !»« Ça y est, patron, » dit Raffles d'une voix traînante. « Ne vous fâchez pas. Vous avez eu l'œil. Nous allons suivre notre chemin pour savoir comment vous avez deviné. Mais ne nous tirez pas dessus, car je ne suis pas armé, bon Dieu !»« Vous êtes un malin, » dit Rosenthal, touchant la détente. « Mais vous vous êtes adressé à plus malin que vous. Nous le voyons bien. Vous êtes un voleur qui en pige un autre, pour sûr. » Mes yeux s'étaient détournés des canons des revolvers, des diamants maudits qui nous avaient attirés dans ce piège, de la figure de porc engraissée du lutteur, des joues rouges et du nez enflammé de Rosenthal lui-même. Je regardais le seuil de la porte où se tenait une bataille tremblante, vêtue de soie et de velours, avec des figures noires, des yeux blancs et des têtes crépues. Un silence soudain rappela mon attention sur le millionnaire. Seul son nez était resté pourpre. « Que voulez-vous dire ? » murmura-t-il avec un juron. « Crachez ce que vous savez ou pardieu, je vous le ferai sortir !» Combien vous a coûté la fameuse rivière où ce qu'on trouve les diamants ? Dit lentement Raffles de sa voix traînante. Hé ! Les revolvers de Rosenthal se mirent à dessiner de grands cercles. Combien vous a coûté cette rivière, vieux bandit ? Où diable avez-vous su cela ? Demanda Rosenthal d'une voix sifflante. Vous pouvez le demander, dit Raffles. Tout le monde le sait dans le pays d'où je viens. Qui a pu lancer un tel canard ? Je sais pas, dit Raffles. Demandez-le à ce gentleman, qui est à votre gauche, et il saura peut-être. » Le gentleman en question devint pâle d'émotion. Une conscience coupable ne s'était jamais dévoilée si clairement. Un instant, ses yeux sortirent comme des raisins du pudding de graisse qui formait sa face. Il mit ses revolvers dans sa poche et, mu par l'instinct professionnel, il se jeta sur nous, les poings en avant. « Ôtez-vous de la lumière ! Ôtez-vous de la lumière !» s'écria Rosenthal avec frénésie. C'était trop tard. Le lutteur n'eut pas plutôt caché avec son corps celui de Raffles que ce dernier avait d'un bond sauté la fenêtre, tandis que moi, qui m'étais tenu tranquille et qui n'avait rien dit, je tombais étendu sur le sol sans connaissance. Je restai peu de temps privé de sentiments. Quand je repris mes sens, j'aperçus un va-et-vient dans le jardin, mais je me trouvais seul dans le salon. Je m'assis. Rosenthal et Purvis couraient de tous les côtés et tout en criant contre les nègres, ils s'injurièrent réciproquement. « Par-dessus ce mur, je vous dis !»« Je vous dis que c'est par-dessus l'autre. Vous ne pouvez donc pas siffler pour appeler la police ?»« Au diable, la police ! J'en ai assez de la police !»« Alors retournons pour nous assurer de l'autre bandit. »« Vous ferez bien de faire attention à votre peau. » C'est ce que vous avez du mieux à faire, Jala, cochon de nègre, si je vous attrape. Je n'entendis pas la menace, je rampai à quatre pattes dans le salon, tenant par son anneau mon revolver entre les dents. Un instant, je crus que le vestibule était également désert. J'avais tort, car je me rencontrais avec un cafre rampant dans les mêmes conditions. Pauvre diable, je n'eus pas le courage de le tuer si lâchement. Mais je le menaçai de mon revolver et je montai l'escalier quatre à quatre, le laissant en train de claquer des dents. Pourquoi suis-je monté ainsi, comme si c'était là la seule issue? Je ne puis me l'expliquer, mais le jardin et le rez-de-chaussée étaient tellement remplis d'hommes que j'eusse pu faire plus mal. J'entrai dans la première pièce que je rencontrai. C'était une chambre à coucher, vide, bien qu'elle fût éclairée. Je n'oublierai jamais quel saut j'ai fait en entrant, quand j'aperçus dans une armoire à glace l'épouvantable gredin dont j'étais la vivante image. Masqué, armé, en haillons, j'étais vraiment la proie digne d'une balle ou du bourreau. Et je me disais que je ne pourrais échapper à l'un des deux. Je me cachai cependant dans l'armoire, et je m'y tins tremblant, maudissant, pendant plus d'une demi-heure, mon destin, ma folie. Enfin, la porte de l'armoire s'ouvrit violemment. On était entré dans la chambre sans faire de bruit, et on me fit descendre en bas comme un lamentable prisonnier. Des scènes grossières eurent lieu dans le vestibule. À la vue d'un criminel aussi invétéré, les dames qui avaient fait irruption poussèrent des cris perçants. En vérité, il y avait de quoi. Mon masque m'avait été arraché, et ne recouvrait plus que mon oreille gauche. Rosenthal hurla pour les faire taire. La femme à la chevelure d'éponge répliqua par des injures. Chacun parlait et vociférait à qui mieux mieux. On se serait cru dans la tour de Babel. Je me demandais même combien de temps tout cela durerait avant l'arrivée de la police que Purvis et les dames voulaient faire venir pour qu'on m'arrête à séance tenante. Mais Rosenthal s'y refusait, et jura qu'il tuerait le premier qui s'éloignerait. Il en avait assez de la police. Il ne voulait pas qu'elle vînt lui gâter son sport. Il allait lui-même se charger de moi, à sa manière. Il m'arracha des mains qui m'avaient saisi, et me jetant contre une porte, tira un coup de revolver. La balle s'enfonça dans le bois, à un centimètre de mon oreille. « Espèce d'ivrogne abruti ! C'est un assassinat !» hurla Purvis, en se mettant une deuxième fois devant moi. « Qu'est-ce que cela me fait ? Il est armé, n'est-ce pas ? Eh bien, je suis dans le cas de légitime défense, et j'ai le droit de donner aux autres un avertissement. Allons, mettez-vous de côté, sinon il y aura une balle pour vous !» Purvis ne bougea pas. « Vous êtes ivre, s'écria-t-il, vous venez encore d'avaler un grand verre de whisky depuis votre rentrée. Reprenez, si vous le pouvez, un peu de bon sens, et ne faites donc pas ce que vous regretteriez ensuite d'avoir accompli. »« C'est bon, vous avez raison, mon camarade. Il ne faut pas lui faire de mal, ce serait une faute. Je ne tirerai pas sur le bandit, mais seulement tout autour de lui, tout autour, là, comme cela. » Sa main tannée se leva au-dessus de l'épaule de Purvis, sa bague étincela d'un éclair mauve, et de son revolver jaillit un éclair rouge. Les femmes hurlèrent au milieu de ses lueurs. Des éclats de bois sautèrent dans mes cheveux. Le lutteur aussitôt le désarma. Je fus sauvé de ce démon, mais pour tomber dans un autre précipice. Un policeman était au milieu de nous. Il était entré par la fenêtre du salon. C'était un agent qui parlait peu, mais agissait promptement. En un instant, il m'avait mis les menottes. Tandis que le lutteur expliquait la situation et que son patron maudissait la force publique et son représentant avec une fureur impuissante. L'agent ne daigna faire attention à lui qu'au moment de partir. « Nous vous connaissons, sœur, » dit-il avec mépris. Il refusa le souverain que Purvis lui tendait. « Vous me reverrez à Marylebone. » « Faut-il que je vous accompagne ?»« Si vous voulez, sœur, mais je crois que votre ami a plus besoin de vous. Et je ne pense pas que ce jeune homme me donne du fil à retordre. »« Oh, je vous suivrai tranquillement, » dis-je. Et je partis. Nous marchâmes en silence pendant près de 100 mètres. Il devait être environ minuit. Nous nous rencontrâmes âmes qui vivent. Enfin, je murmurai. « Comment avez-vous pu réussir ?»« Une pure chance, » dit Raffles. « J'eus la veine de me sauver, car je connaissais toutes les pierres des murs des jardins, et par bonheur, j'avais ces travestissements dans l'atelier de Chelsea. Le casque provient d'une collection que j'avais à Oxford. Je l'expédie par-dessus le mur que voici, et je ferais bien d'enlever la tunique avant de rencontrer un véritable agent. Je l'ai porté un soir à un bal costumé, ostensiblement, et il a déjà eu son histoire. J'avais pensé qu'elle pourrait me servir une seconde fois. La plus grosse difficulté a été de me débarrasser du cab qui m'avait amené. Je l'ai envoyé à Scotland Yard avec 10 shillings de pourboire et un petit mot spécial pour mon bon vieux Mackenzie. Toute la police sera chez Rosenthal dans une demi-heure. Naturellement, j'ai compté sur sa haine de la police, ce qui est encore une veine. Si vous, vous aviez pu vous échapper, c'eût été tant mieux. Mais je sentais bien qu'il était homme à jouer le plus longtemps possible avec la souris prise. Oui, Bunny, ça a été une pièce plus costumée que je ne l'eusse désirée. Si l'épilogue nous a fortement diminué de réputation, c'est tout de même une rude chance d'en être sorti sain et sauf. Fin de l'épisode, une pièce costumée.